Vous écoutez Radio Croix en Jésus. C'est l'heure de la bonne nouvelle. La première lettre de Pierre, chapitre 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilés, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Vous avez été choisis conformément au plan établi d'avance par Dieu le Père, et vous lui appartenez grâce à son Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient données avec abondance. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Nous avons ainsi une espérance vivante, et pouvons nous réjouir de l'héritage que Dieu réserve aux siens. C'est un héritage qui ne peut ni se gâter, ni se salir, ni perdre son éclat. Dieu le réserve dans les cieux pour vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, jusqu'à ce que vienne le salut, prêt à être révélé à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. L'or est destiné à disparaître, pourtant il est éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa solidité. Et ainsi, vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas maintenant. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, si grande qu'elle ne peut pas s'exprimer par des paroles, car vous obtenez ce qui est le but de votre foi, le salut de vos âmes. Au sujet de ce salut, les prophètes ont fait des recherches et des investigations, et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu allait vous faire. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ, car cet Esprit qui était en eux annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui les suivrait. Dieu révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ce message, vous l'avez reçu maintenant. Les prédicateurs de la bonne nouvelle qui ont parlé avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel vous l'ont annoncé, et les anges eux-mêmes aimeraient le connaître. C'est pourquoi tenez votre esprit prêt à l'action. Demeurez bien éveillé et mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorant. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint ». Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge tous les hommes de la même façon, selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, montrez dans votre conduite le respect que vous avez pour lui. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivré de l'inutile manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivré par le sacrifice précieux du Christ, qui a été comme un agneau sans défaut et sans tache. Le Christ avait été choisi par Dieu avant la création du monde, et il a été manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ramené de la mort à la vie et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont dirigées vers Dieu. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour aimer sincèrement vos frères en la foi. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Comme l'Écriture le déclare, « Tous les hommes sont comme l'herbe, et toute leur gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Cette parole est celle que la bonne nouvelle vous a apportée. » Chapitre 2. Rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les bavardages malveillants. Soyez semblables à des enfants nouveau-nés, désirez sans cesse le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et soyez sauvés. En effet, comme le déclare l'Écriture, vous avez goûté la bonté du Seigneur. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu qui l'a jugée précieuse. Approchez-vous pour que vous aussi, comme des pierres vivantes, vous soyez utilisés dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres saints chargés d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui soient agréables par Jésus-Christ. Car voici ce que déclare l'Écriture. J'ai choisi une pierre de valeur que je pose maintenant comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui croit en elle ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous qui croyez, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et ailleurs, il est dit encore, c'est la pierre qui fait trébucher les hommes, le rocher qui les fait tomber. Ils ont trébuché parce qu'ils ont refusé de croire à la parole, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelé à passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous ne connaissiez pas la pitié de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Je vous le demande, mes amis, en tant qu'étrangers et exilés sur la terre, gardez-vous des désirs humains qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils vous accusent d'être des malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes œuvres et de louer Dieu le jour où il viendra. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, à l'empereur qui a le pouvoir suprême et au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et louer ceux qui font le bien. En effet, ce que Dieu veut, c'est que vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés par le bien que vous pratiquez. Conduisez-vous en homme libre. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez en serviteur de Dieu. Respectez tous les hommes, aimez vos frères en la foi, craignez Dieu, respectez l'empereur. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bien disposés, mais aussi à ceux qui sont durs. En effet, c'est un bien de supporter, par respect pour Dieu, les peines que l'on souffre injustement. Car quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous les recevez pour avoir commis une faute? Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous le supportez, c'est un bien devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché. On n'a jamais entendu de mensonge sortir de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand il a souffert, il n'a pas formulé de menace, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Et le Christ lui-même a porté dans son corps nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ses blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés vers celui qui est le berger et le gardien de vos âmes. Chapitre 3. Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi par votre conduite. Vous n'aurez pas besoin de prononcer une parole, car ils verront combien votre conduite est pure et respectueuse. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux et les bijoux d'or ou les beaux vêtements que vous pourriez porter. Mais que votre beauté soit celle de votre être intérieur, qu'elle soit la beauté impérissable d'un esprit doux et tranquille, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi que les femmes pieuses d'autrefois, qui espéraient en Dieu, se rendaient belles. Elles étaient soumises à leur mari. Telle était Sarah. Elle obéissait à Abraham et l'appelait « mon maître ». Vous êtes maintenant ses filles si vous faites le bien et si vous ne vous laissez effrayer par rien. Vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vie de la part de Dieu. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous donner à vous-même quand il vous a appelé. Comme l'Écriture le déclare, celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit cesser de dire du mal et ne plus prononcer de mensonges. Il doit se détourner du mal et pratiquer le bien. Il doit rechercher la paix et la poursuivre. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les justes et il écoute leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour pratiquer le bien? Même si vous avez à souffrir parce que vous accomplissez ce qui est juste, vous êtes heureux. N'ayez aucune crainte des hommes et ne vous laissez pas troubler. Mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent des explications au sujet de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure, afin que lorsqu'on vous accuse, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite inspirée par le Christ soient honteux de leurs paroles. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même est mort pour vous. Il est mort une fois pour toutes pour les péchés des hommes. Lui qui était bon, il est mort pour des méchants, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Par cet Esprit, il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés, c'est-à-dire aux esprits de ceux qui, autrefois, ont désobéi à Dieu quand il attendait avec patience durant les jours où Noé construisait l'arche. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, entrèrent dans l'arche et furent sauvés par l'eau. Cette eau était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience pure. Le baptême vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui est allé au ciel et se trouve à la droite de Dieu, où il règne sur les anges et les autres autorités et puissances célestes. Chapitre 4. Puisque le Christ a souffert physiquement, fortifiez-vous aussi dans la même disposition d'esprit, car celui qui supporte des souffrances physiques on a fini avec le péché. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. En effet, vous avez passé autrefois un temps suffisamment long à agir comme les païens aiment à le faire. Vous avez vécu dans le vice, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'abominable culte des idoles. Et maintenant, les païens s'étonnent de ce que vous ne vous livrez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite. Ils vous insultent. Mais ils auront à rendre compte de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée aussi aux morts, à ceux qui ont été jugés dans leur existence humaine, comme le sont tous les hommes. Elle leur a été annoncée afin que par l'Esprit, ils puissent vivre comme Dieu vit. La fin de toute chose est proche. Vivez d'une manière raisonnable et ayez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour efface un grand nombre de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans mauvaise humeur. Que chacun de vous, comme un bon administrateur des divers dons de Dieu, utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Celui qui prêche doit transmettre les paroles de Dieu. Celui qui sert doit le faire avec la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Mes amis, ne vous étonnez pas de la dure épreuve que vous avez à subir, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis de joie quand sa gloire sera révélée. Vous êtes heureux si l'on vous insulte parce que vous êtes disciple du Christ, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Le moment est arrivé où le jugement commence, et c'est le peuple de Dieu qui est jugé en premier lieu. Or, si le jugement débute par nous, comment s'achèvera-t-il lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu? Comme l'Écriture le déclare, si les bons sont sauvés difficilement, qu'en sera-t-il des méchants et des pécheurs? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu doivent continuer à pratiquer le bien et à se confier entièrement au Créateur, qui est fidèle à ses promesses. Chapitre 5. Je m'adresse maintenant à ceux qui parmi vous sont anciens d'Église. Je suis ancien moi aussi. Je suis témoin des souffrances du Christ et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui avec bonne volonté, comme Dieu le désire, et non à contre-cœur. Accomplissez votre tâche non par désir de gagner de l'argent, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. De même, jeunes gens, soyez soumis aux hommes plus âgés. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité pour vous servir les uns les autres, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles ». Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ayez l'esprit éveillé, prenez garde, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Soyez fermes dans la foi et résistez-lui, car vous savez que vos frères répandus dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec le Christ, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Je vous écris cette courte lettre avec l'aide de Silas, que je considère comme un frère fidèle. Je désire vous encourager et vous assurer que telle est la véritable grâce de Dieu. Demeurez ferme en elle. L'Église qui est à Babylone et que Dieu a choisie comme vous, vous adresse ses salutations, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres avec un baiser d'affection fraternelle. Que la paix soit avec vous tous qui appartenez au Christ. La deuxième lettre de Pierre. Chapitre 1. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient données avec abondance par la connaissance que vous avez de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à sa bonté. C'est ainsi qu'il nous a accordé de précieuses et très grandes promesses, afin qu'en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à votre bonne conduite, la connaissance. Efforcez-vous aussi d'ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, et à la patience l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Telles sont les qualités que vous devez posséder, et si vous les avez en abondance, elles vous rendront actifs et efficaces dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme un aveugle. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus de vous attacher solidement à l'appel que Dieu vous a adressé et au choix qu'il a fait de vous. Car si vous agissez de cette façon, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez fermement établis dans la vérité que vous avez reçue. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je suis encore en vie, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Je ferai donc tout mon possible pour vous donner les moyens de vous rappeler toujours ces choses après ma mort. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Nous étions présents au moment où il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, lorsque la gloire suprême lui fit entendre la voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, nous sommes d'autant plus sûrs du message annoncé par les prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention, car il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci, personne ne peut expliquer de lui-même une prophétie contenue dans l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais venue de la seule volonté d'un homme, mais c'est parce que le Saint-Esprit les guidait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Chapitre 2. De faux prophètes sont apparus autrefois parmi le peuple. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses qui entraînent la destruction et rejetteront le Maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une destruction soudaine. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale, et à cause de leur façon d'agir, on critiquera le chemin de la vérité. Par désir de gagner de l'argent, ces faux enseignants vous exploiteront en vous présentant des histoires imaginées, mais depuis longtemps déjà, leur juge est prêt à agir et leur destructeur ne dort pas. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a jetés dans l'enfer où ils sont gardés enchaînés dans l'obscurité pour le jour du jugement. Dieu n'a pas épargné le monde ancien, mais il a fait venir la grande inondation sur ce monde d'hommes méchants. Il a sauvé seulement Noé, qui prêchait ce qui est juste, et sept autres personnes. Dieu a condamné les villes de Sodome et Gomorre et les a détruites par le feu, en donnant par là aux méchants un exemple de ce qui allait leur arriver. Il a délivré Lot, homme bon, qui était affligé par la conduite immorale des hommes mauvais de son temps. Car cet homme bon, qui vivait au milieu d'eux, voyait et entendait jour après jour de telles choses qu'il était tourmenté dans son cœur honnête par leurs mauvaises actions. Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et comment tenir en réserve les méchants pour les punir au jour du jugement. Et il punira surtout ceux qui suivent les désirs impurs de leur nature humaine et méprisent l'autorité de Dieu. Les faux enseignants dont je vous ai parlé sont audacieux et arrogants. Ils n'ont pas de respect pour les êtres glorieux du ciel, mais ils les insultent. Même les anges, qui sont pourtant bien plus forts et puissants que ces faux enseignants, ne portent pas d'accusations insultantes devant le Seigneur contre les êtres glorieux. Mais ces hommes agissent par instinct, comme des animaux sauvages qui naissent pour être capturés et tués. Ils insultent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils périront de la même manière que les animaux sauvages. C'est par la souffrance qu'ils seront payés en retour des souffrances qu'ils auront causées. Ils trouvent leur plaisir à satisfaire leurs mauvais désirs en plein jour. Leur présence est une honte et un scandale quand ils participent à vos repas et jouissent de leur tromperie. Ils ne pensent qu'à regarder des femmes peu sérieuses. Ils n'en ont jamais assez de péché. Ils prennent au piège les personnes faibles. Leur cœur est exercé au désir de gagner de l'argent. La malédiction de Dieu est sur eux. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés. Ils ont suivi le chemin pris par Balaam, fils de Bozor, qui aima l'argent qu'il devait gagner en agissant mal, mais qui reçut des reproches pour sa désobéissance. En effet, une ânesse muette se mit à parler avec une voix humaine et arrêta l'action insensée du prophète. Ces hommes sont comme des sources desséchées et comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans l'obscurité la plus profonde. Ils formulent des déclarations orgueilleuses et stupides. Ils se servent des désirs immoraux de la nature humaine pour prendre au piège ceux qui viennent à peine de s'échapper du milieu des hommes qui vivent dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes qui les entraînent à la destruction. Car chacun est esclave de ce qu'il domine. En effet, si les hommes qui ont échappé aux mauvaises influences du monde parce qu'ils ont connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se laissent ensuite reprendre et vaincre par elles, ils se trouvent finalement dans une situation pire qu'au commencement. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le juste chemin que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été transmis. Ce qui leur est arrivé prouve la vérité du proverbe qui déclare « Le chien retourne à ce qu'il a vomi, et le cochon qui vient d'être lavé va de nouveau se rouler dans la boue. » Chapitre 3. Mes amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans toutes les deux, j'ai cherché à éveiller dans vos esprits des pensées saines par les enseignements que je vous rappelle. Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur que vous ont enseigné vos apôtres. Sachez tout d'abord que, dans les derniers jours, apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous et diront « Il a promis de venir, n'est-ce pas ? Eh bien, où est-il ? Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. » Ils oublient volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a parlé et les cieux et la terre ont été créés. La terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et c'est également par l'eau, celle de la grande inondation, que le monde ancien a été détruit. Mais les cieux et la terre actuels sont tenus en réserve par la même parole de Dieu pour être détruits par le feu. Ils sont gardés pour le jour où les méchants seront jugés et détruits. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, mes amis, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir ce qu'il a promis, comme certains le pensent. Mais il est patient envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit périsse. Au contraire, il veut que tous parviennent à changer de vie. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux disparaîtront avec un bruit effrayant, les corps célestes seront détruits par le feu, la terre avec tout ce qu'elle contient cessera d'exister. Puisque tout va être détruit de cette façon, vous comprenez bien quel doit être votre comportement. Vous devez avoir une conduite sainte et marquée par l'attachement à Dieu, en attendant le jour de Dieu et en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt, ce jour où les cieux seront détruits par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons. C'est pourquoi, mes amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et sans faute aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Considérez la patience de notre Seigneur comme l'occasion pour vous d'être sauvés, ainsi que notre cher frère Paul vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il y a, dans ces lettres, des passages difficiles à comprendre, et des gens ignorants et sans fermeté en déforment le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils causent ainsi leur propre destruction. Mais vous, mes amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde, afin de ne pas vous laisser égarer par des erreurs d'hommes mauvais et de ne pas perdre la position solide qui est la vôtre. Mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours.